L'interview. Trois questions à Edith Gerboin, adjointe en charge des seniors et du lien intergénérationnel, et à Bruno Hérissé, adjoint en charge des solidarités et de l'administration générale. Cet article est illustré de deux photos. Une photo de Bruno Hérissé et une deuxième de Edith Gerboin. En exergue, cette citation de l'article, l'objectif principal et d'assurer le maintien à domicile. Quels sont les objectifs de la politique de la ville en matière d'aide à la personne? Bruno Hérissé. L'objectif principal est d'assurer le maintien à domicile des personnes âgées. Je crois que ça a un double intérêt. Le premier est d'essence humaine. Il s'agit effectivement de garantir le plus longtemps possible le maintien dans l'univers habituel des personnes. D'autre part, il y a un aspect économique. Il est beaucoup moins onéreux d'assurer un maintien à domicile des personnes plutôt que de recourir à l'hospitalisation. À cet égard, nous avons mis en place un certain nombre de dispositifs. Nous disposons d'un service d'aide et d'accompagnement à domicile, d'une part. Ensuite, nous avons un service de soins infirmiers à domicile. Enfin, nous avons également, grâce à l'appui des bénévoles, mis en place un réseau convivial qui s'appelle le réseau Visite Amitié. Il permet de maintenir le lien entre les personnes les plus esseulées et les bénévoles qui travaillent en lien avec les services du CCSA et du CIAS. Qu'est-ce que le lien intergénérationnel? Edith Gerboin. Le plus important pour nos aînés, c'est de conserver un lien avec les enfants, les petits-enfants et amis. Nous devons permettre à nos aînés de conserver leur mode de vie le plus longtemps possible. Comment parvenir à maintenir du lien avec les populations isolées? Edith Gerboin. Pour maintenir du lien avec les personnes isolées, nous avons de nombreux clubs, dont le club du Bel Âge et le club de l'Amitié Saint-Jacques, et également de nombreux clubs de loisirs, culturels et sportifs. Bruno Hérissé. En ce qui concerne les populations les plus isolées, les moins mobiles, nous avons mis en place des dispositifs tels que le réseau Visite Amitié, le service de portage de repas à domicile. Une fois par trimestre en général, nous organisons au sein du foyer de jeunes travailleurs des repas, des après-midi récréatifs, avec des jeux et différentes activités véritablement destinées aux personnes les plus en difficulté. Le service assure même le transport des personnes de leur domicile au foyer et retour. Qui pilote le CCAS? Bruno Hérissé. La politique sociale de nos collectivités est déterminée par les conseils d'administration du Centre communal d'action sociale et du Centre intercommunal d'action sociale. Sans entrer dans le détail du fonctionnement de ces institutions, il faut souligner leur particularité, qui est d'être composée paritairement d'élus, soit de la ville, soit de la communauté de communes, et également de représentants de la société civile. Cela signifie tout simplement que nous avons des représentants des différentes associations qui œuvrent sur le territoire et qui permettent de faire remonter les problématiques qui peuvent effectivement faire l'objet de discussions, de mesures, de décisions de la part des conseils d'administration.